Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Les habitants riverains de la rivière Gaseigne craignent que leurs maisons vont être emportées. C'est au moment où les berges de cette rivière sont menacées dans cette saison pluvieuse. Et en commune Rougadi de la province Boubanza, nous sommes au nord-ouest du pays. On vous parlera d'une dizaine de chèvres qui ont été déjà mordues par des chiens errants. Et les gestionnaires des coopératives devraient avoir des formations en gestion de ces dernières. Constat d'un formateur d'université en matière d'entrepreneuriat. C'était lors de la célébration de la Journée internationale de l'entrepreneuriat. Voilà pour le sommaire. Bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la République demande à toute la population burundaise la contribution pour la sauvegarde de la paix retrouvée et sa consolidation. Lors des cérémonies de clôture de la semaine dédiée aux combattants ce samedi en commune Ewiga de la province Karusi, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a invité la population à s'atteler aux travaux de développement afin de lutter contre la pauvreté. Blaise Pascal Kararumiye. Le président de la République explique que la journée dédiée aux combattants correspond à la date du 16 novembre, date de signature du protocole de cessez-le-feu du Front pour la défense de la démocratie FDD en 2003. Evariste Ndayishimiye confirme que la paix et la sécurité sont actuellement réelles dans tout le pays et que tout citoyen devrait en profiter. Il demande à tout Burundais l'éveil citoyen et la consolidation de cette paix chèrement retrouvée. Le président de la République a dit cela ce samedi à Wuhiga de la province Karusi lors des cérémonies de clôture au niveau national de la semaine dédiée aux combattants. Il a indiqué qu'actuellement, les Burundais sont appelés à se lever comme un seul homme pour combattre la pauvreté. Evariste Ndayishimiye demande aux leaders de la communauté burundaise de lutter contre l'injustice, la corruption et l'esprit de s'accaparer des richesses publiques et aux citoyens, ils demandent d'être vigilants pour dénoncer tout responsable et soupçonné dans son comportement. Et le président affirme que ces derniers seront directement remerciés. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Vous nous excuserez pour la qualité sonore de cet élément. Toujours dans cette province, des pluies mêlées de vents violents ont détruit une partie du bureau communal de Gitaramuka de cette province. Le bureau de la police ainsi que le bureau de la poste Gitaramuka. Cela s'est passé vers 15h de ce samedi, comme l'indique l'administrateur communal, qui ajoute que même l'école fondamentale Gitaramuka n'a plus de toiture suite à cette pluie. L'administrateur dit que même des maisons de la population ont été détruites, signala que 10 des maisons du site des déplacés du chef-lieu de cette commune ont été emportées. Il signale qu'il attend toujours le rapport des maisons qui seraient aussi touchées dans les collines. Les berges de la rivière Gaseigne en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura sont menacées d'écroulement. Les habitants riverains de cette rivière se disent inquiets et que leurs maisons vont être emportées. Étienne Ibdimana, un des administratifs à la base, confirme le fait. Les habitants de cette localité, de même que cet administratif, plaident pour la réhabilitation de cette rivière Omer Ndouayo. C'est la rivière Gaseigne, séparant les quartiers Gatunguru et Gahahe, récemment réhabilités. Ses rives et son milieu sont détruits, ce qui inquiète les habitants avoisinants, surtout pendant cette période pluvieuse. La partie la plus menacée est celle qui est entre Boujabar et le pont séparant les deux quartiers, tel que témoignent ses habitants. Vous voyez, à cet endroit même où nous nous trouvons, la rivière a détruit tout le bétonnage et maintenant l'eau passe en dessous des fers à béton. D'un moment à l'autre, il va renverser tout et l'eau va déborder pour se déverser dans les ménages. Nous pensons qu'ils ont utilisé peu de ciment et on n'a pas élargi aussi ces berges. Comme les pluies tombent fortement, amenant des troncs d'arbres, ces berges sont détruites car le béton n'est pas fort. Les causes de sa destruction sont entre autres les grosses pierres emportées par les eaux de pluie, comme l'explique Étienne Bizimana, l'un des administrateurs Fatif à la base. Les berges construites sont détruites par des courants rapides d'eau de pluie qui projettent même de grosses pierres. Et cela depuis le central d'eau de Charama qui était construit dans le but de diminuer le débit de la rivière Gasseni jusqu'au niveau des locaux de la présidence de la République. Et la population et cette autorité administrative demandent la réhabilitation de cette rivière afin d'éviter les dégâts. Peut-être si les ingénieurs arrivent aujourd'hui pour approfondir son lit, les risques peuvent être réduits. Moi, je suis au bord du gouffre. Je demande aux autorités de venir renforcer ces berges parce que nos vies sont en danger. En tant qu'administratif à la base, nous demandons aux responsables de réhabiliter cette rivière afin d'intervenir à temps et éviter la démolition des habitations. La rivière Gasseni est parmi les rivières récemment réhabilitées dans le but de réduire les dégâts dus aux inondations. Merci Omer Ndouayo. Et certains agriculteurs de la province de Gitega, propriétaires des terres situées dans le marais drainé par la rivière Vironza, indiquent que leurs terres s'amenuisent progressivement suite aux éboulements des bergers de cette rivière. Ils demandent qu'elles soient protégées. À propos, le chef d'antenne régionale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBP à Gitega, Jean-Marie Hatungimana, révèle que des pépinières de plus de 40 000 plants d'arbres de bambou à planter prochainement sur les berges de la rivière Vironza pour protéger cette dernière sont en cours d'entretien. Et la discrimination sociale et l'exclusion des personnes aveugles sont un frein pour cette catégorie d'être à jour sur les nouvelles pour se prévenir contre la COVID-19. Propos de Daniel Niranyibagira, représentant légal de l'Association des aveugles au Burundi. Il demande qu'il y ait des journaux écrits dans leur alphabet pour avoir des informations facilement en rapport avec le COVID-19. Il l'a dit ce vendredi lors d'une réunion organisée par le Conseil national des églises du Burundi à l'intention des personnes vivant avec handicap. On l'écoute. Les problèmes que nous rencontrons à la lutte contre le COVID-19, donc il y a la discrimination sociale au niveau de la famille, nous sommes discriminés, donc il nous est difficile d'arriver à l'information sur la lutte contre le COVID-19. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens pour accéder à l'information, il y a l'information des réseaux sociaux, il y a la radio, il y a beaucoup de moyens pour accéder à l'information, mais pour les personnes handicapées visuelles, il nous est difficile d'accéder à l'information suite à la discrimination sociale. Il est très important de nous donner les informations à travers l'écriture de braille. Et bon, il est très important, les journaux de lutte contre le COVID, il faut traduire les journaux en écriture de braille dont l'écriture dont nous sommes capables à lire. Nous lançons un appel au gouvernement du Burundi de sensibiliser la communauté et aussi nous lançons un appel les parents avec toute la famille, toute la communauté de savoir d'intégrer activement les personnes handicapées à la lutte contre le COVID-19. Isanganiro. À 13h05 sur Isanganiro, le journal continue. Le gouvernement devrait encadrer la jeunesse sur la bonne gestion et l'utilisation des financements destinés aux coopératives Sangwe. Cela a été dit ce vendredi par le directeur de l'entrepreneuriat à l'Université Espoir d'Afrique lors de la formation d'entrepreneurs qui a été organisée aux étudiants de la dite université dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'entrepreneuriat. Nathan Nkurunziza a expliqué quel est le défi majeur qui hante le développement de l'entrepreneuriat est lié aux lauréats des universités qui ont peur de faire des investissements. Suivez-le, il est au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Pour que le secteur d'entrepreneuriat puisse se développer ici au Burundi, il faut sensibiliser les jeunes, il faut leur dire que leur avenir est dans leurs mains et il faut que le gouvernement puisse les appuyer leurs projets d'entrepreneuriat. Il faut que les banques donnent du capital pour ces jeunes afin qu'ils puissent se développer, afin aussi qu'ils puissent développer la population burundaise qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et qu'est-ce qui manque pour que ce secteur soit développé ici au Burundi? Ce qui manque, les jeunes sortant des universités ont peur de faire des investissements. Ils pensent qu'ils ne vont pas réussir. Ils pensent que ici, au Burundi, on ne peut pas avancer très loin. Alors, ils ont laissé la place aux gens non instruits qui ne savent pas faire des projets, qui ne savent pas avancer les entreprises. Et quel appel c'est au gouvernement burundais? Je lance un appel au gouvernement afin d'aider les jeunes sur les collines du pays Le gouvernement a déjà envoyé de l'argent sur les collines pour développer les collines. Il faut des formations à la dans le sens d'entrepreneuriat. Donc, je demande aux intellectuels, et aux jeunes sortant des universités de commencer à innover, de commencer à créer des idées et d'aller chercher les banques afin d'avoir des capitaux pour faire des nouveaux investissements ici dans notre pays. Il faut aider la population, il faut encadrer. Et dans chaque commune, il y a des gens chargés du développement. Ces gens doivent aller descendre sur les collines pour encadrer les jeunes entrepreneurs, pour les motiver et en fait de créer de nouvelles opportunités à la population burundaise. Et certains parents continuent à exploiter les mineurs avec les travaux forcés dans les ménages. Constant dit responsable adjoint de l'unité de la police chargée de la protection des mineurs et des mœurs. C'était ce vendredi lors de la célébration de la journée internationale de la protection des droits de l'enfant. OPP1 Lidi Udengeri appelle les gens à la protection des droits des enfants. On l'écoute. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous nos yeux. Sans être défenseur des droits de l'enfant, quelqu'un est interpellé à agir. Nous avons dans nos voisinages les travaux domestiques par les enfants. Je suis sûre que s'il y avait une enquête qui était menée par les gens, il n'y en a pas qui allaient manquer, qui font travailler des petites bonnes. Encore mineurs pour la garde des enfants. Il y a aussi ce problème d'utilisation des smartphones. Ce sont des choses qu'on dit très souvent, mais qu'est-ce qui a changé? Il y a les consommations des stupéfiants. Toutes ces choses-là se passent sous nos yeux, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde est interpellé. C'est vrai que la responsabilité revient à l'État. Deuxièmement, au niveau des commissariats, des cellules de détention. Il y a des cellules de détention pour mineurs, mais ces cellules ne sont pas dans tous les commissariats. Alors, là, il n'y a pas de cellules pour mineurs. Ces mineurs sont mis dans les cellules avec les gens adultes et vous comprenez ce qui en ressort par après. Autre chose, on a parlé des enfants de la rue. Le mécanisme de les faire rassembler et les faire remonter chez eux, c'est un mécanisme qui apparemment n'a pas très bien marché. Qu'est-ce qui est stratégique qui a été adopté et n'a pas donné des fruits escomptés? Il y a un pool de formateurs qui a été formé par l'appui de l'UNICEF sur la justice pour mineurs. On a un module qui est dispensé dans toutes les écoles de la police depuis, dans toutes les catégories, au niveau de l'Institut supérieur, au niveau de l'école des brigadiers, au niveau de l'école des agents. Et 11 chèvres ont été mordues par des chiens errants au cours de la semaine passée sur deux collines de la commune Rugazi de la province Bubanza. Les propriétaires de ces chèvres se lamentent et demandent aux autorités de protéger ce bétail. L'administrateur de cette commune explique qu'il a déjà intimé l'ordre de traquer et de tuer tous ces chiens errants, Spes Caritas Kabanyana. Les habitants des collines de Kirengane et Butavuka en commune Rugazi de cette province de Bubanza sur la Mante, 11 chèvres sur ces deux collines ont été mordues par des chiens errants la semaine passée, comme ils le disent, et demandent aux autorités de protéger leur bétail. Ils craignent également que ces chiens errants risquent de commencer à mordre aussi des personnes si rien n'est fait dans les meilleurs délais. L'administrateur de la commune Rugazi, Nyandwi Isaac, nous a indiqué qu'il a déjà donné l'ordre de traquer ces chiens et de les tuer. De son côté, le responsable vétérinaire à la DPA Bubanza explique que c'est dangereux de voir des chiens errants qui mordent du bétail car on ne sait pas s'ils ne sont pas enragés. Donatien Nkurunziza ajoute que même si on dit que ce sont des chiens errants, ils ont des propriétaires qui doivent les récupérer et les faire vacciner et ceux qui ne seront pas vaccinés doivent être tués comme il le dit. Merci Spes Caritas Kabanyana. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Elka Dogo pour sa parfaite collaboration technique. Au revoir.